bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net. Nous voilà pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires, proposée par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Alors aujourd'hui, plein de monde autour de la table. Bonjour Hadidja. Bonjour Muriel. Bonjour Alain. Bonjour Lionel. Bonjour Tao. Bonjour Lionel. Bonjour Françoise. Et bonjour notre invitée Tania. On va commencer tout de suite par une première chronique. C'est Alain qui va démarrer, qui va lancer les hostilités. Donc avec toujours des chroniques qui parlent de bons plans, de tuyaux, de choses pas chères et pratiques. Et toi, tu vas commencer justement avec quelque chose qui tombe bien. C'est les fruits de saison. Alors c'est à toi. Les fruits de saison. Nous sommes en avril et le printemps va bientôt finir par arriver. Connaissez-vous les fruits du mois d'avril ? La banane récoltée dans les dom-toms, sinon en France, métropolitaine. Nous pouvons déjà trouver de la rhubarbe, des citrons et des gariguettes. Avec ces premiers fruits de l'année, à vous les bonnes recettes. Alors les gariguettes, c'est quoi là ? Bah, c'est une variété de fraises qui est très sucrée et qui n'est pas un bon marché en prix. Ouais, mais c'est les premières fraises de saison qui arrivent chez nous. Faut profiter. Vous pourrez faire des tartes notamment à la meringue, au citron, crème fraîche et fraises, une charlotte aux fraises, de la confiture, des flans. De quoi régaler petit et grand. Allez, tous en cuisine. Le printemps est arrivé et tonton Alain vous attend. Merci Alain pour cette chronique. Allez, on continue. On retrouve maintenant Hadidja qui reçoit justement Tania Ivanova, qui vont nous parler de l'association Féminine. À toi, Hadidja. Oui, Lionel, aujourd'hui, nous accueillons aujourd'hui Madame Ivanova Tania, de l'association Féminine. Bonjour, Madame Tania. Bonjour, Hadidja. Pouvez-vous nous dire comment cette association s'est créée et est-elle existe depuis quand ? Cette association, elle existe depuis plus que 12 ans. Elle est créée pour soutenir les femmes dans sa vie quotidienne, pour l'écouter, encourager et pour l'égalité du sexe et améliorer les vies des femmes qui sont dans une situation vulnérable. Pouvez-vous nous parler des objectifs principaux de l'association de couture? On est un atelier couture. Notre femme, c'est des couturiers qui sont des couturiers artistes, qui améliore il-même ses pouvoirs à faire de couture et qui crée des vêtements intéressants. Alors je pense même, Tania, qu'il ne s'agit pas que ce soit seulement intéressant. On a quasiment affaire à des modistes ou oui. à des créatrices oui. de vêtements. Exactement, exactement. Aussi, on est un atelier à tricoter et on est un atelier qui est nommé Primavera. C'est un atelier qui encourage les femmes dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, s'ils sont dans une situation, ils se sentent vulnérables, ils ne se sentent pas bien dans sa peau, pouvait augmenter sa confiance ou soi, augmenter ses savoir-faire. On est vers créer des nouveaux ateliers plus tard, adaptés aux situations économiques. Merci. Vous pouvez nous dire quel type d'activité ou d'événement organisez-vous régulièrement? On atelier chaque année des ateliers fabrication de bonnets et cœurs pour la chimiothérapie pour les femmes malades de cancer qui ont distribué dans tous les hôpitaux régionaux. Aussi, on a un atelier tricot qui se répète tous les 15 jours. Un autre atelier primavera. Et on a un défilé annuel. Il ne s'est pas été fait cette année car il manque des financements et qu'on est au grand regret pour nous qu'on ne pouvait pas montrer aux gens notre création. On s'est engagé, on est en pleine recherche de partenariats et collaborations avec les autres associations ou personnes qui ont envie de nous aider à faire notre défilé, peut-être un petit peu plus tard, mais quand même avoir notre défilé cette année. Et d'habitude, vous faites tous les ans ce défilé-là. Oui. Vous le faites où? Sur Nancy Jusqu'à maintenant, il a été à Neuf Maisons, parce que c'est une association de Neuf Maisons, et dans la salle Jean Lotte. Mais comme la plupart de l'association qui sont pas avoir subvention ou cause de la situation Covid qui s'est passée, on n'est pas vraiment. Avec comme beaucoup d'associations, le Covid a laissé des traces. Pourtant, j'ai vu plein de photos sur votre page Facebook. Oui. Et vraiment, vous faites des modèles qui sont vraiment incroyablement jolis. Et les défilés doivent être très, très réussis. On fait aussi une conférence qui aussi on n'est pas fait avec des femmes dans différents postes, comme les femmes politiques, entrepreneuriales. Aussi, on ne l'a pas fait au 8 mars. C'est de cause de subvention qui n'est manqué. Les financements, c'est un. C'est crucial pour nous. Voilà, alors si on peut aider cette association-là au niveau finance, c'est une bonne chose. Khadija, tu continues ? Oui, vous pouvez nous expliquer comment les membres pouvaient-ils s'impliquer dans l'association ? Chaque membre, il pouvait assister et donner ses idées qu'on discute dans notre réunion, qu'on fait tous les mois. Et comme ça, on décide quelle idée on va soutenir pour travailler sur le projet. Il n'y a pas de projet président, il n'y a pas de projet quelqu'un. Tout ensemble, on est là. On partage. C'est vraiment une association de partage et soutien. Qu'avez-vous comme matériel à la disposition des adhérents et à votre atelier? Le matériel, c'est notre propre matériel dans nos poches. C'est les femmes qui subsident ces matériels pour créer ces modèles. On n'est pas vraiment un budget pour faire tout ce qui est nécessaire. Et je suppose que vous faites aussi de temps en temps des collectes pour récupérer un peu de matériel. C'est un projet pour faire ça, c'est un projet. D'accord. Une petite question, les adhérents ou les participants à votre association, vous êtes basé à Neuf-Maisons, oui. C'est pas forcément que des gens de Neuf-Maisons. Non. Ils viennent de où? De Nancy? De tous les villages autour de Nancy, comme moi je suis dans Nancy, Vendiove, et je suis présidente à Neuf-Maisons. Vous voyez, il n'y a pas frontière, ça n'existe pas. On est ouvert pour tous les gens qui ont envie à partager nos convictions. Très bien. Quelles sont les compétences ou les niveaux d'expérience requis pour rejoindre l'association? Il n'y a pas de compétences besoin. Vous pouvez apprendre sur place par les gens qui sont compétents. C'est vraiment le partage. C'est pas obligé à avoir un grand diplôme ou quelque chose, vous venez, vous demandez, porte ouverte. Et on apprend ensemble. Exact. D'accord. Y a-t-il des opportunités de formation ou d'apprentissage au sein de l'association? On est sur une étude, sur un projet de faire des formations, mais on n'est pas encore prêt, je ne pouvais pas dire plus. Comment l'association s'engage-t-elle avec la communauté locale ou d'autres associations? Ben, on partage pas mal d'événements avec les autres associations et bénévolat de chez nous, c'est bénévolat de les autres associations aussi. On n'est pas bénévolat strictement féminine. Vous pouvez nous parler de vos projets, vos objectifs futurs pour l'association? Je pense qu'on va faire une nouvelle émission parce que c'est trop long pour parler pour tous les projets. Comme je suis aux études de management projet, j'ai des plein d'idées que je partage avec les filles. Pour ça, je dois consulter et vraiment de tomber sur chemin droit et discuter plus concrètement. On voit que vous êtes dans la mode, vous appelez vos adhérentes les filles. Oui. Comme dans ce domaine. Il n'y a pas d'âge. Tout ça, je défie parce qu'on se sent bien entre nous, on rigole et c'est vraiment amical. Et bien, dernière question, comment les membres pouvaient-ils contribuer à l'organisation et au fonctionnement de l'association? Juste de venir et être adhérent dans l'association, tout simplement, et partager nos réunions. Une adhésion coûte combien l'année? 10 euros. 10 euros, donc c'est vraiment pas cher. Non. Vous pouvez nous rappeler votre adresse pour les auditeurs? C'est Maison de la vie associative, en lieu d'Audborne, 54-230 Neuf-Maisons. Ou sur Facebook, Féminine, Neuf-Maisons. Eh bien, on remercie Madame Ivanova de tous les renseignements que vous nous avez proposés de l'association. Merci. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. On espère suivre ça de tout près. Et puis, Khadija reviendra vous voir d'ici quelques mois pour voir un petit peu tout ce qui se passe de beau concrètement. Avec plaisir. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Eh bien, après cette interview, nous allons passer à notre première pause musicale. C'est cette fois-ci pour cette émission. C'est notre réalisateur qui a préparé la playlist. Alors, libre à lui de nous passer la chanson qu'il veut et on se retrouve juste après. Dis que tu nous vois déjà loin, tu parles de nous dans longtemps. Dis, même si t'en sais rien, j'ai jamais connu plus convaincant. Tu dis quand tu parles à mon âme, c'est mon corps qui te répond. Encore du charme, encore le charme, on chante, on chante, et chaque phrase c'est un canon. Dum, dum, dum, oh, oh, à tes pas de la terre. Dum, dum, dum, oh, oh, trempé sous la pluie. C'est tout, des rires en bar, des gens dehors, ça dure, j'adore, c'était facile d'être nous. Des étages à monter lentement et s'embrasser avant l'heure, puis atteindre ton appartement au petit matin de lueur. Dum, dum, dum, oh, à des pas de la terre. Dum, dum, dum, oh, trempé sous la pluie. C'est dit, tom, tom, tom, on a beaucoup trop promis. Toujours sur Fadjet 94.2 dans l'émission des bons plans solidaires et nous sommes avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Tao. Alors je crois que tu nous as préparé une chronique sur la réouverture de la médiathèque de la Manufacture, c'est bien ça? C'est ça, la réouverture de la médiathèque à Nancy. Je vous en avais parlé le mois dernier, la médiathèque de Nancy était fermée à raison de travaux. Eh bien vous avez peut-être vu dans les médias et entendu sur Fadjet. La médiathèque de Nancy est réouverte depuis le week-end dernier. Super. Et il y a d'ailleurs durant le week-end de nombreuses animations. J'y suis allée et je dois dire qu'elle est encore plus belle et agréable qu'avant. Les locaux ont été rénovés, il y a des espaces supplémentaires concernant ce qui se touche l'informatique. Un espace gaming, un espace musique et de nouveaux rayons de livres. C'est vraiment un endroit très agréable. Par ailleurs, bonne nouvelle, les médiathèques et les bibliothèques de Nancy et de l'agglomération seront prochainement gratuites. En effet, la ville de Nancy montrant l'intérêt culturel, éducatif, d'apprentissage, de découverte à travers les milieux des livres, revues, etc. a décidé, pour favoriser l'accès pour tous, la gratuité, ces endroits qui, malgré leur faible coût d'adhésion, restaient encore très onéreux pour certaines familles. C'est une excellente nouvelle pour laquelle je reviendrai lors de nos prochaines émissions. En attendant, je ne peux que vous conseiller de vous rendre à la médiathèque de Nancy. Vous verrez comme moi, c'est un magnifique endroit pour y découvrir, emprunter, écouter, le tout d'un espace calme et chaleureux. Eh bien, merci beaucoup Françoise pour cette chronique. Nous allons maintenant retrouver Radija et avis à tous les amateurs de glisse. Je crois que tu as quelque chose à nous annoncer, Radija. Oui, bonjour Tao. Aujourd'hui, on va parler de skate qui s'organise à Nancy. Alors, bienvenue à tous les amateurs de skate, de BMX et de roller. Depuis le 6 avril jusqu'à le 14 avril, les rencontres urbaines de Nancy 2024 offrent une expérience urbaine inédite. L'événement culmine avec le championnat de skate le dimanche 14 avril. en l'emblématique octroi annoncé se métamorphose en une immense street plaza grâce à l'association des Riders de Nancy. Sur une superficie de 1750 m², les participants pourront se lancer sur un grand bol des lidèges et des escaliers, des rails métalliques, des bancs pour les spectateurs, des plans inclinés et des courbes. Au programme, des initiations et des animations autour du skate, du BMX et de la trottinette sur une aire de street centrale de 500 m². Les spectateurs pourront également déambuler autour de l'air street, découvrir les partenaires exposants et les animateurs de la culture urbaine, tout en profitant d'une buvette et d'un food truck en extérieur. Que vous soyez un passionné de sport extrême ou simplement curieux de découvrir cet univers urbain, l'événement promet des moments intenses et conviviaux. Les festivités se déroulent le samedi 13 avril de 13h à 19h. Et le dimanche 14 avril, de 13h à 18h, à l'octroi annoncé. L'entrée est gratuite et aucune réservation nécessaire. Alors préparez-vous à une expérience urbaine unique des rencontres urbaines de Nancy 2024. Venez nombreux pour découvrir ou soutenir les talents locaux et partager des moments dans une ambiance décontractée et festive. Merci. Eh bien oui, il nous reste tout le week-end pour participer à ce beau festival. Allez-y, vous allez voir, vous allez découvrir ou voir des démonstrations et autres qui sont vraiment super sympas. Mmh. Tous du côté de l'octroi le week-end qui arrive, c'est-à-dire demain et après-demain. C'est clair, c'est super. Et toi, Tao. Eh bien, merci beaucoup, Radija, pour toutes ces informations. Je pense que moi-même, j'irais bien aller, pourquoi pas, faire une petite initiation de skate. Ça a l'air super. Nous retrouverons à nouveau notre célèbre tonton Alain, qui nous a fait une petite chronique sur les jonquilles et les narcisses. C'est à toi, Alain. Oui, bonjour tout le monde. Les jonquilles et les narcisses, ne pas se tromper. Le GSA est parti dans les Vosges, sur les crêtes, quelques jours. Les membres se sont promenés vers Gérard B et ont découvert tous les champs remplis de jolies jonquilles. Ils nous ont ramené de jolis bouquets parfumés. En discutant avec les promeneurs, les jonquilles cette année étaient nombreuses, avec 5 semaines d'avant, en raison d'un hiver particulièrement doux cette année. Un bon conseil, cueillir les jonquilles sans arracher le bulbe. Sinon, elles ne se reproduisent plus. Sachez que les célèbres jonquilles de Gérard Mer est une espèce protégée, tout comme les brimbelles. Alors, attention, bien, respectez la nature, sinon un méchant petit PV. Par contre, savez-vous quelles sont les différences entre les jonquilles et les narcisses, qui se ressemblent pourtant beaucoup? La première différence est que la narcisse est 2 fois plus grosse que la jonquille. Sa collerette est jaune, comme les jonquilles, mais sa trompette est orange clair, alors que celle de la jonquille est jaune. La tige de la narcisse est 2 fois plus grande et d'un diamètre plus important. La narcisse se conserve aussi plus longtemps que la jonquille. La principale différence est que la jonquille est une plante sauvage qui pousse dans les champs en milieu naturel, dans les champs et les clairières, alors que la narcisse est cultivée principalement aux Pays-Bas avant de pouvoir les replanter dans les jardins. En conclusion, ce sont 2 belles fleurs. Et vive les jonquilles et les princesses des Vosges. Merci Alain pour cette belle chronique. Merci beaucoup. Et les jonquilles en restent encore. Allez, la parole est à Yves et sa deuxième chanson qu'il va nous diffuser. Et on se retrouve juste après. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée pas dans mon air. Changer les âmes, changer les toujours sur Fadjet 94.2 en compagnie du groupe Solidaire Active de l'association Arelia dans son émission Les Bons Plans Solidaires. Il se trouve que nous, actuellement au GSA, nous tenons un partenariat avec l'IRTS de Lorraine dans le cadre du Festival du film d'action sociale. Radija, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler par hasard? Oui, c'est le Festival social rencontre deux communautaires de l'IRTS de Lorraine. Ça commence du 14 avril jusqu'à 21 avril. Le Festival d'Action Sociale 2024 présente sa sélection officielle pour le prix de la solidarité, puis d'une collaboration entre le groupe solidaire actif GSA et l'Institut Régional du Travail Social, IRTS. Depuis 2018, ce partenariat a permis de mettre en lumière des projets socialement engagés à travers le Festival des films d'action et sociale. Cette année, la sélection offre un éventail de documentaires poignants et variés, mettant en lumière des enjeux sociaux précieux. Des productions telles que le travail incarcéré, explorant le lien entre le travail et la liberté dans le milieu carcéral, tandis que Camille cherche l'amour, la vie sentimentale d'une jeune fille, femme atteinte de trisomie 21. Parmi les autres documentaires, on lisse Le début de la fin et Entre mineurs aussi, abordant respectivement la précarité alimentaire et la prise en charge des mineurs auteurs d'agressions sexuelles. Des œuvres comme Rock and Roll, La différence et Le petit mal explorant quand à l'évolution des normes de genre et du féminisme chez les jeunes. Cette sélection diversifiée témoigne de la richesse des initiatives solidaires en France, offrant un éclairage nécessaire sur les défis sociaux contemporains et les actions entreprises pour y répondre. De plus, les membres du jury de prix de la solidarité seront présentés à l'IRTS pour assister aux documentaires et des autres jurys, tels que Regard social, Regard étudiant et Regard lycéen. Enfin, nous souhaitons à tous les participants et au public un excellent festival, riche en découvertes et en émotions. Nous vous rappelons que vous pourrez écouter sur Fadjet une émission spéciale pour présenter le festival lundi 15 avril à 12h30 avant l'inauguration à 14h. Par ailleurs, vous pouvez venir à l'RTS de Lorraine toute la semaine pour aussi regarder. Il y a aussi un lien pour regarder tous les documentaires sur place à l'RTS de Lorraine durant la semaine du festival du 15 avril jusqu'à 19 avril ou le regarder en ligne gratuitement. De manière à ce que les auditeurs soient informés de toutes les possibilités de regarder les films et rappeler que le festival est gratuit et ouvert à tous. Bon festival à tous. Merci. Merci Radija et venez tous nombreux au Festival du film et n'hésitez pas à écouter notre émission sur le sujet qui passera lundi 15 avril à 12h30. Nous sommes maintenant en parlant de cinéma avec Françoise, notre chroniqueuse cinéma. Françoise, qu'es-tu allée voir cette semaine? Je suis allée voir ce mois-ci au cinéma un film dont j'aimerais vous parler. Le titre du film est Plus si affinité. C'est un film d'Olivier Ducret et Wilfried Méhanche. une comédie avec Isabelle Carré, Bernard Campon, Julia Faure. Usé par les années de 25 ans de mariage, de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble tout à bout de souffle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'idée de Sophie d'inviter à dîner Adèle et Alban, leur voisin du dessous à dîner, n'enchante pas Xavier, parce que le couple sont assez bruyants, il y a une mauvaise ambiance, car leurs voisins sont très libres, penseurs et même libertins. Et cela risque bien de changer la monotonie de leur couple. J'ai aimé ce film drôle, rigolo et plein d'humour, avec plein de conflits entre voisins, cela met de bonne humeur. Les critiques des spectateurs sont d'ailleurs très bonnes. Je lui donne la note de 4 sur 5 et vous invite à tous à aller le voir, il est encore en salle à Nancy. J'ai déjà quelques films que j'ai prévu d'aller voir ce mois-ci et je vous dirai tout ce mois prochain. Bon cinéma à tous. Ben merci beaucoup Françoise pour cette petite chronique de film. Hein. Effectivement, ça va être très sympathique et ça donne bien envie d'aller le voir moi aussi. Nous allons retrouver à nouveau Lionel, mon co-présentateur, qui va nous faire, comme à son habitude, son petit jeu de l'anniversaire des stars. À toi Lionel. Vous êtes prêts, concentrés, je vais vous donner des infos et vous me dites de quelle star il s'agit qui est née au mois d'avril. Alors, je suis né le 12 avril 1955 à Nantua, dans l'Ain. Donc notre invité aura 69 ans jeudi. Son père Yves était sous-préfet. Après un déménagement à Senlis dans l'Oise, la famille arrive à Paris en 65. Enfant, il est scout et enfant de cœur, mais est un enfant difficile. Il est marqué en 64 par la sortie de l'album Ardesna des Beatles. En 70, il crée avec un ami d'enfance son premier groupe, qui s'appelle Masturbation. Peu intéressé par les études, il se consacre à son unique passion, la musique. C'est le début d'une amitié qui dure encore aujourd'hui, en 75, lorsqu'il rencontre un certain Louis Bertignac. Il démarre sa carrière en 75 et fréquente l'actrice-chanteuse Valérie Lagrange, avec qui il forme un groupe qui fera quelques reprises, mais sans plus. Il se quitte et rencontre sa nouvelle petite amie, qui est n'autre que Corinne Marienneau. Il joue dans les fêtes de quartier, et la même année, grâce à son ami Louis Bertignac, il rencontre un dénommé Richard Kolinka, qui à l'époque joue avec Vince Taylor. Richard lui propose de chanter dans un autre groupe qu'il a créé, Semolina. Le chanteur Antoine produit leur 45 tours. Il crée ensuite le groupe Compartimentueur, mais le groupe ne dure pas. Le 12 novembre 76, lors d'un concert au Centre Américain de Paris, ils font appel à leur ami Louis, qui est justement disponible, et demande à son amie Corinne de jouer de la basse et de les accompagner. Il joue notamment un titre qu'a composé notre célébrité et qui s'appelle Hygiaphone. Malgré les tensions lors des concerts, le groupe va changer de nom et fonder le célèbre groupe Téléphone. Alors, qui je suis le fondateur du groupe Téléphone? Une fois, deux fois, trois fois, Jean-Louis Aubert. Alors, notre seconde invitée, célébrité, qui est née au mois d'avril, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est née le 15 avril 1950 à Paris. Son père est croate et sa mère française. Elle grandit dans un milieu modeste. Son père est veilleur de nuit. À 8 ans, elle est gravement malade et doit rester chez elle, clouée pendant plus de 6 mois. Elle va faire du dessin pour s'occuper. Ensuite, elle devient caissière au Théâtre de Poche à Paris et découvre le théâtre en faisant des cours. Elle joue également des petits rôles au Théâtre de Poche. Alors qu'elle tourne en province, elle va écrire à 22 ans son premier scénario qu'elle finit par interpréter au Théâtre de l'Odéon. En 76, elle remplace Valérie Mérès et entre dans la troupe du Splendide. Elle deviendra célèbre avec eux. En 1985, elle devient réalisatrice avec sa comédie « Sac de nœuds » avec Isabelle Huppert, puis en 87, « Les keufs » avec Isaac de Bancolet. Elle poursuit sa carrière, toujours avec beaucoup de succès, dont certains films comme « Trop belle pour moi ». Elle poursuit sa carrière d'actrice avec de nombreux succès, comme « Trop belle pour toi » avec Gérard Depardieu, « Ma vie est un enfer » qui lui vaudra à chaque fois une nomination au César. Elle est récompensée enfin du César du meilleur scénario avec son film « Gazon maudit » avec Alain Chabat et Victoria Avril. Dans les années 2000, elle évolue vers des rôles plus sérieux, voire dramatiques. Elle poursuit encore sa carrière, surtout par des seconds rôles qu'elle choisit avec finesse. Elle est devenue aussi auteure. Elle est membre depuis le début de la troupe des Enfoirés. Elle soutient des associations humanitaires et des associations pour les sans-abri. Elle est devenue aujourd'hui une référence dans le domaine artistique et culturel du cinéma et du théâtre. C'est Josiane Balasco. Oh, moi, plus ça va, plus j'ai du mal à me lever. C'est vrai, on se demande à quoi ça sert tous ces efforts qu'on fait pour mener une vie saine, la thalasso, la phyto, la macro, l'aromato. C'est simple, on mangerait n'importe quoi et on serait alcoolique, ce serait pas pire. Alors, on continue. Cette fois-ci, notre invité est né le 9 avril 33 à Neuilly-sur-Seine et il est décédé le 6 septembre 2021. Il est le fils de Paul, sculpteur, et il est le père de Paul, pilote de course. Jeune, il fréquente les écoles de Paris, mais très indiscipliné. Sa passion est avant tout pour le sport. À 15 ans, il tombe malade de la tuberculose. Il part se soigner en Angleterre et c'est là qu'il va vouloir devenir comédien. Il suit les cours de Raymond Girard. Il tente de rentrer à la Comédie Française, mais il échoue deux fois. Il y est admis en 52 et rentre dans la classe de Pierre Dux, qui déclare, avec la tête qu'il a, il pourra jamais prendre une femme dans ses bras. Il y reste 4 ans et rencontre dans la même promotion Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Bruno Kremer, Pierre Vernier et Michel Baume et participe aussi à des pièces dirigées par Michel Galabru. Il joue aussi des sketchs sur les places des villages avec Guy Bedos, reprenant des sketchs de Pierre Dac et Francis Blanche. En 56, il tourne son premier film, Les Copains du Dimanche. Puis en 58, dans le film Sois belle et tais-toi, où il croise un jeune acteur plein de talent qui démarre aussi, qui s'appelle Alain Delon. En 58, il part en Algérie faire son service militaire. À son retour en 60, sa carrière va exploser avec coup sur coup deux films À double tour et surtout À bout de souffle de Godard. Sa carrière ne va cesser de grandir en jouant avec les plus grands comme Lino Ventura, Jean Gabin, Bernard Blier, Bourville, Claudia Cardinale, j'en passe et les meilleurs, et les plus grands réalisateurs se l'arrachent. L'apogée de son succès sera dans les années 70 avec Borsalino où il retrouve Alain Belmondo. Puis Stravinsky, L'Animal, Flic ou Voyou, Le Guignolo, L'As des As. Il revient au théâtre dans les années 80. Il fera un AVC dans les années 90. On le verra encore un petit peu au cinéma. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il est considéré et est entré au panthéon des artistes, tout comme ses amis Lino Ventura et Jean Gabin. C'est pas Belmondo, non ? Ben si, bravo, Jean-Paul Belmondo ! Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Et voilà la fin de notre jeu des célébrités. Et maintenant, il est temps de rendre l'antenne, comme on dit, et de passer au journal du Très en Forme. Notre émission se termine. On se retrouve quand ? Ben, le mois prochain, ou ici à Fadjet. Et pourquoi faire ? Encore dire de bonnes chroniques et de bonnes infos. Bonne journée à toutes et à tous sur l'antenne de Fadjet. On se retrouve le mois prochain et à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao, à bientôt.